veut s'impliquer. Y'a trop de shit devant le coffee shit. Kishta et la chique. Ici on veut quitter. Faut faire du fric. Bifurqué en Afrique. Oh. Kaine et Schmitt j'bombardais. J'bombardais. Tous les jours en bas du four. J'fais des pieds mauvais. Schmitt contre moi. J'suis un grisant bombardé. Bombardé. J'fais des tours et des tours. Nuit et jour. Soldat mec de Marseille. Toujours dans la zone. Mon associé. Est-ce que tu as fait les love? Quand tu penses fuir? Faut m'oublier. Chante la tâche au madame et l'off. Le couplier. Nanana, nanana. Je me souviens de tout, tout, tout, tout. Ils étaient pas tout, tout, tout, tout, tout. Qu'est-ce que tu me rends fou? Ouh, ouh, ah. Il me reste des sticks, mais tout, tout, tout, ah. Pour les vaillants sous écoute. Ah, tout le monde veut un you-you. Oh, oh, ah. Moi, ça me fait ta vie, ouais. Nique sa mère, les gens. Ils rigoleront tous de toi quand t'auras des bâtons dans les jambes. Que des classiques pour ce qu'on grandit dans la cité. Tout le fait magique quand tu BDH, c'est raciste. Je suis rarement sur mon 31 vers, c'est les chiffres et tu sais d'où je viens. Week-end OM, Ovel, y'a le J dans la loge, on se check. Les hommes, la mentale, les autres. Lamentable, la zone à ma table, les vôtres pas rentables. Yeah. Sur du Billie Jean, on se retrouve ailleurs. Faut danser, sublimer la team Rolex est ailleurs. En musique, on imite la gimmick, tout ça en cœur. Le public est uni, au feeling, c'est le fire. Yeah. Sur du Billie Jean, on se retrouve ailleurs. Sublimer la team Rolex est ailleurs. En musique, on imite la gimmick. Sans cœur, le public est uni au feeling, c'est fire. C'est Marseille bébé. Très organisé. Fume le calumet. Liquide, liquide, il m'en faut pour que je me taille. Veulent qu'on bosse en équipe, mais quand je tourne le dos, ils me taillent. C'est gros, gère tes émotions. Je veux la personne, je suis dans mes pensées. Mais si j'ai la haine des fois, et ouais c'est comme ça. Mentalité, j'ai pas le temps de pioncer. Y'a des combines pour faire des mappés ça. De tout petit, j'ai la mentale dans la zone. Je fais des bordels, fallait juste qu'on me raisonne. Je mets les TN, je suis dans le réel. Je suis avec Fardou la PN. Je me sens nickel, on arrive, ça je t'en prie. Je conviens loin, donc cherche pas à te mêler de mes affaires. J'entends pas derrière les gens, ouais, moi j'étais chercher les affaires. On s'arrête dès que je suis entendu. Non, on écoute pas les ondes. Et Willy, je suis libérable, j'ai pas d'être que des pertes arrondies. Ouais, je calcule pas que je bandis. J'en dépais, kiffe la frangie. Je suis souvent vraiment rien, pas de shit. Comme le J, je fais de la magie. Aïe, c'est très organisé. La rime organisée. Aïe. Ouais, tout le monde pas qui c'est. Viens pas rivaliser, ré hey, aïe. Abrek, hôtel, Abrek, hôtel, un bout de scène de la déca. Des peines de shit, un pack de shots. Coupe italienne, tissu de Chine. Double R, moins de fuck. La fonte de verre ou plus de Rennes. Plus de Rennes, c'est plus fuck you. Les pieds dans l'eau, un doigt dans elle. Les grands espaces, c'est pas pour nous.